Des enfants, pour quoi faire? Le soir même, Faustine détaille en riant sa rencontre avec Jeanne. Maxime fait la grimace. Tous ces travaux d'âpre juste pour tirer deux coups. Quel gâchis! Décidément pas facile la vie de séducteur. Et dire qu'il va falloir tout recommencer cet hiver quand sa chérie renouvellera sa carte de séjour en Europe. Faustine s'en fiche. Elle a trouvé de quoi s'occuper en attendant mieux. À la bibliothèque, en explorant les rayons, elle est tombée sur des livres qui lui semblent accessibles. Bien sûr, un dictionnaire serait approprié, mais il faudra attendre leur prochaine visite à Washington. Tant pis, son imagination complétera les mots qu'elle ne comprend pas. Après tout, elle utilise bien des appareils sans jamais lire les modes d'emploi. Au souper, il mange son pain frais, c'est peu dire que Maxime apprécie. Il confirme, sa compagne est décidément une merveilleuse petite femme au foyer. Avec cette nouvelle corde à son arc, plus rien ne manque à leur bonheur, sauf... Tu dois attendre combien de temps après ton divorce avant de convoler à nouveau? Oh, je pourrais me remarier demain si je le voulais. Mais là n'est pas la question, je ne veux pas. Pourquoi répéter les erreurs? Parce qu'on a beau prôner l'amour libre, les mentalités n'ont pas changé pour autant. Tu as vu la réaction de Colleen. Elle me tolère parce qu'elle pense que tu vas m'épouser, mais elle me fait bien sentir que je suis hors la loi. La pauvre, elle court à la déception si c'est le cas. Notre amour n'a pas besoin de ça. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin. Tu connais la chanson de Brassens. Oui, je m'en souviens, et l'idée est belle, quoique. Tout dépend du genre, mâle ou femelle, des lieux et des époques. On verra bien après tout. Une chose est sûre, par contre, je n'ai pas l'intention d'être fille-mère. Des enfants? Pourquoi faire? Non, tu es sérieux? Bien sûr, je suis un père exécrable, tu le sais bien. J'ai déjà donné dans le genre et je ne tiens pas particulièrement à recommencer. Les enfants, c'est des nids à emmerde. Petits, ils sont sales, bruyants, tout le temps malades, et plus grands, n'en parlons pas. Que des emmerdements. À voir tout le temps que tu consacres à tes filles, tu ne sembles pas si mauvais père que ça. Et tu m'avais écrit autrefois que tu ne t'y opposerais pas. Tu le savais bien pourtant que j'en voudrais au moins deux. J'ai toujours été honnête avec toi. Mais enfin, ce n'est pas une fatalité tout de même. Tu peux faire autre chose de ta vie que de pondre, non? J'ai pour nous deux des ambitions autrement plus enrichissantes que de torcher des culs à longueur de journée. N'en parlons plus, veux-tu? Laisse passer le temps, on verra bien. Je ne ferme pas tout à fait la porte, je ne veux pas te perdre pour ça. Mais tu connais ma position. Je n'ai pas envie de te partager et je ne veux pas que ton corps soit vampirisé par un petit être égoïste qui te séparera de moi. Blanc, pas de mariage, pas d'enfant. Le verdict est tombé, impitoyable. Faustine ne saura jamais si la machine fonctionne. Dans un premier temps, la jeune femme est mise KO par tant d'injustices. À 1000 kilomètres de chez ses parents, de son pays, sans travail, sans la sécurité d'une carte de crédit, la jeune femme se sent soudain très seule. Évidemment, la sagesse voudrait qu'elle prenne le premier avion en partance pour l'Europe. Mais comment faire sans moyens? De plus, alors qu'elle vient juste d'arriver dans ce pays tant rêvé, il faudrait repartir sans en avoir rien vu? Non, ce n'est pas possible. Maxime va changer d'avis. Il faut qu'il change d'avis. Elle lui montrera, elle, qu'un enfant peut être autre chose qu'un obstacle. Elle lui prouvera qu'il se trompe. Elle lui donnera un fils. C'est ce qui lui manque. Bien sûr, après deux filles. Il est hors de question qu'elle renonce à enfanter. Elle a trop d'amour à donner et à recevoir. Le lendemain, incapable de supporter plus longtemps sa frustration, elle se précipite chez son amie Judy, l'épicière. Elle lui apporte les truffes au chocolat de sa fabrication, ainsi que deux paniers décorés à laisser en dépôt vente. Ce matin, la boutique est déserte. Faustine, au bord des larmes, déverse le trop-plein de sa colère. Judy la calme. « Ne t'inquiète donc pas autant. Il va bien finir par céder à la pression, tu sais. Elle est très forte ici. Les employeurs se mêlent volontiers de la vie privée de leurs employés. sans compter les églises qui ont leur mot à dire. Pas de chance pour ça, il n'y met jamais les pieds. Si au moins il pouvait me faire un gosse par accident, mais même là il garde le contrôle, c'est rageant quand même. Patiente, c'est tout ce que je peux te dire. Il a déjà été tellement loin, ça m'étonnerait qu'il ne finisse pas par céder. Faustine retrouve un semblant de sérénité. Quand Maxime rentre ce soir-là, elle prend sur elle de l'accueillir gentiment. Il repart dans 3 jours, ce n'est pas le moment de le dégoûter. D'ailleurs, il a déjà tout oublié. Demain, on déjeune au resto avec le staff du bureau, ça te dit de venir? Oui, bien sûr, il y aura qui? Karen, la secrétaire de Don, Barbara, Marilyn et Pamela Groover, la comptable, Sue, la responsable informatique, Jean, que tu connais. Que des nanas formidables. Et aucun autre mec. Toutes ces femmes pour toi tout seul. Monsieur apprécie son harem, on dirait. Toi en tête, bien sûr. C'est vrai que c'est agréable, mais tu n'imagines pas à quel point ils sont coincés et rétrogrades, ces ricains. Je suis obligée de déployer des trésors de diplomatie pour qu'ils fassent l'effort de s'entendre, sinon de s'accepter. Alors partager un repas, tu n'imagines même pas. Dans le fond, ils en ont peur de leur bonne femme. À revendiquer leur féminisme, elles les ont complètement retournées contre elles. Et comme ils manquent totalement d'éducation, ils ne l'expriment que par la violence. Exact, et c'est pas nous qui allons le leur faire, leur éducation. Donc en attendant, on déjeunera sans eux, il y aura moins de tension. C'est là qu'on voit la différence de mentalité. En France, les différences se règlent autour d'une bonne table. Ici, c'est sur un ring. Franchement, je préfère de loin la version française. Au restaurant, Faustine, en tant que femme du chef, reçoit de bonne grâce les hommages de ses consoeurs. Oh, combien son homme est un formidable patron, aimable, bien élevé, dynamique, charmant, etc. Ces dames ne tarissent pas d'éloges. Cause toujours, pense la compagne du dit chef, encore sous le coup de l'humiliante fin de non-recevoir concernant mariage et enfants. Samedi soir, le couple retourne à Washington. Lundi, Maxime sera en Europe pour une nouvelle session de cours. Aussi, les deux amants profitent-ils à fond de leur dernière soirée. Ça swingue à la taverne. Tous sont ravis, tant les musiciens que le public. Dimanche, Maxime et Faustine sont invités à déjeuner chez Donald et Colin. Max embarque sa valise. Ils partiront de chez leurs hôtes directement pour l'aéroport en fin d'après-midi. Colin les accueille si chaleureusement qu'on dirait qu'elle ne les a pas vus depuis des mois. Après les avoir débarrassés, elle les invite à visiter sa maison entièrement réaménagée. Faustine adore découvrir les maisons des autres. Elle a les yeux partout, enregistre chaque détail, accumule les idées pour décorer son logis plus tard. Sur ce plan, elle sera gâtée tout au long de son séjour. Il semblerait qu'aux USA, la coutume exige que chaque hôtesse prenne plaisir à jouer les guides dans sa demeure. La moindre des politesses impose alors qu'on la félicite pour la bonne tenue de celle-ci et l'originalité de sa décoration. Chez les White, l'apéritif est servi au bar, situé au Red Jardin. Les patrons officient derrière le comptoir, les invités leur faisant face sur de hauts tabourets. La pièce est gigantesque. On aurait pu y mettre 3 fois le studio de la rue Blainville. D'un côté le bar, et à l'autre bout, un vélo d'appartement, un sauna, un jacuzzi et une cabine pour se changer. C'est une salle de jeu pour adultes en somme. Il ne manque que le billard. Colin pose les verres devant ses invités. Du bourbon pour ces messieurs, du scotch pour ces dames. Puis elle invite Faustine à la suivre. Elle est très drôle quand elle s'essaye aux Français. « Prends ton verre, mon petit elf !» Nous allons préparer le repas pendant que ces messieurs discutent. Donald a quelques conseils à donner à Maxime. Et les deux femmes de se retrouver à l'étage au-dessus dans l'immense cuisine. D'un côté, l'espace de travail, tablard, frigidaire, congélateur, four, classique et micro-ondes, plan de découpe. Au milieu, une plonge et un composteur. En face, une table pouvant accueillir 12 personnes, réservée à la famille. De l'autre côté, une salle à manger, tout ce qu'il y a de plus bourgeoise. C'est là que Faustine dresse la table à la demande de Colline. Cette dernière est occupée à ouvrir une boîte de soupe Campbell aux champignons. Elle en étale la moitié dans un grand plat, dispose dessus des blancs de poulet sans peau qu'elle recouvre du reste de la soupe. Un peu de crème, du sel, du poivre, et hop, le tout part au four. Ensuite, elle verse le contenu d'un sac de légumes congelés dans un autre plat, le recouvre d'une sorte de crumble préfabriqué avant de lui faire prendre le même chemin. Enfin, elle sort des petits pains et les régénère au micro-ondes. Pour bizarre que cela paraisse, ça sent bon. En dessert, Colline déballe une tourte aux fruits qui sera dégelée à point le moment venu. Entre-temps, les hommes sont montés. Donald s'assied à sa place, en bout de table. Faustine s'est emparée d'un morceau de pain dans lequel elle s'apprête à mordre au moment même où, joignant les mains, il commence à réciter les grâces. Rougissante, elle pose son pain et écoute respectueusement. « Seigneur, bénis ce repas préparé avec soin. Merci de nous avoir envoyé Maxime qui nous aidera à prospérer, ainsi que Faustine, sa future épouse. Amen. Bon appétit. » Contre toute attente, le repas est succulent. Colline rougit sous les compliments. Le reste de l'après-midi se déroule en discussions animées, bien arrosées, portant sur les nombreux voyages de Don et Colline en Europe et sur les projets du couple Maxime-Faustine pendant leur séjour aux USA. Donald et sa femme leur souhaitent un beau mariage et beaucoup d'enfants. Ils espèrent bien être de la noce. Maxime se garde de répondre. Vite, il noie le poisson avec d'autres sujets passionnants. Il est presque 16 heures quand la joyeuse compagnie se sépare. Maxime conduit sur la route de l'aéroport. Faustine a un peu la tête qui tourne. Elle somnole, entend vaguement qu'il la prévient à la dernière minute, comme toujours, que son ami Karl Laclairière leur envoie son fils cadet, Jack, 16 ans, dans quelques jours, et ce, pour plusieurs semaines. Il a malheureusement oublié de lui signaler ce détail plus tôt, de même que de laisser un peu d'argent supplémentaire. Est-ce que Faustine voudra bien s'occuper du jeune homme? A-t-elle le choix? Pas le temps de répondre. Maxime attrape son vol de justesse. Faustine prend le volant, puis fait en sens inverse le trajet la ramenant à Warrenton. Au niveau de la route 625 à Gainesville, celle qui mène chez Don et Colline, elle réalise tout à coup qu'elle a oublié un sac chez eux. Lente à réagir, elle négocie le virage un poil trop tard et embrasse le poteau. Stop ! Frontalement. Boum ! Merde alors. La voiture se venge aussitôt en émettant un sifflement suraigu des plus désagréables que Faustine n'arrive pas à arrêter. Pire, impossible de sortir du véhicule de son côté. La porte est bloquée. Se glissant au bout du siège, elle y parvient par l'autre porte. Coup de chance, deux jeunes gens arrivent qui se dirigent vers la ferme des White. En une minute, ils ont accroché la vieille Plymouth qui siffle toujours à l'arrière de leur truck et tractent Faustine jusqu'en haut de la colline. Donald et Colline, consternés de voir revenir la jeune femme dans cet équipage pitoyable, sont heureux qu'elle ne soit pas blessée. Trop fatiguée pour la ramener chez elle, ils la gardent pour la nuit. « Demain, on avisera, » disent-ils en ouvrant une bouteille de consolation.